ladies and gentlemen. It's the most Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs et bienvenue sur Radio Guémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Guémouzo 107 FM. Que ce soit par bande FM ou par radio web, vous êtes les bienvenus pour écouter l'heure des loups qui va venir. Et comme on est vendredi aujourd'hui, ça y est, vous commencez à avoir l'habitude, vendredi c'est le billet de sortie. Pour savoir tout ce qui va se passer ce week-end, je vous ai encore concocté un concentré d'événements à venir, d'annonces et d'interviews par téléphone avec quelques pauses musicales. Après tout, c'est vrai qu'une heure à parler sans s'arrêter, c'est long. Donc voilà, et je précise que la liste que je vous fais est exhaustive. C'est juste un condensé de ce que j'ai pu, ramasser avec les informations les plus précises pour vous. Donc on se retrouve après tout ce florilège et ces pauses musicales pour la conclusion. Bonne écoute à tous. Et on va commencer ce billet de sortie avec bien entendu les événements du week-end et plus précisément la rubrique culture. Et pour cette rubrique culture, j'ai commencé par les hautes mines du TIO qui organise, ou même pas, c'est pas elle, mais les 15, 16 et 17 juin dans toute la France, il y a les journées nationales de l'archéologie. Et pour en savoir plus, j'ai eu Sébastien Georges en interview. Les hautes mines du TIO organisent le week-end, je crois le 14, 15, 16 juin, un événement centré bien entendu sur l'histoire. Et pour en savoir plus, j'ai Sébastien Georges au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, avant toute chose, vous êtes animateur au sein du musée, c'est ça ? Voilà, moi je suis un des permanents du site des hautes mines, du TIO. En fait, je suis assistant de conservation du patrimoine aux hautes mines. D'accord. Et vous êtes, il me semble, au centre d'un événement qui aura lieu ce week-end. C'est les journées de l'archéologie, c'est ça ? Voilà, c'est les journées nationales de l'archéologie. Donc, il s'agit en fait d'une manifestation organisée au niveau national, un peu comme dans l'idée des journées du patrimoine. Mais là, le thème mis en avant, c'est justement la facette archéologie qui permet de découvrir un petit peu l'activité, les tenants et les aboutissants donc de cette discipline, souvent un petit peu méconnue d'ailleurs. Oui, en effet, et comme vous le dites, c'est une journée donc dédiée à l'archéologie, donc les 15, 16 et 17 juin, ça y est, j'ai trouvé les dates. Donc ça se passera où déjà ? Alors, ça se passera directement aux hautes mines. En fait, la journée, le point d'orgue de ces trois journées des journées de l'archéologie, ce sera le samedi après-midi à 14h. Là, en fait, les hautes mines proposeront un atelier d'initiation à la fouille archéologique, plutôt à destination des enfants. Et cet atelier se déroulera directement à côté du musée des hautes mines, de la maison des hautes mines. En effet, et donc il faudra se rendre, j'imagine, directement aux hautes mines. Oui, absolument. Bon, l'idéal étant tout de même, si les gens ont la possibilité de nous passer un petit coup de téléphone avant, je pense qu'on laissera les coordonnées à la fin de l'interview pour réserver, hein, puisqu'on aura un nombre de places limitées. Et c'est vrai que c'est une manifestation et surtout l'atelier qui rencontre un certain succès auprès du jeune public. Donc l'atelier se remplit quand même relativement vite. Donc, comme vous parlez d'atelier, ça va consister en quoi ? Bon, d'archéologie, mais plus concrètement ? L'idée, c'est vraiment de mettre les mains dans le sable, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a reconstitué un chantier de fouilles de 2 mètres sur 2 mètres, où on a dissimulé différents objets ou structures ou élévations qui rappellent un petit peu l'activité minière, en fait, des structures qui racontent une histoire. Et l'idée, c'est de mettre au jour ces structures, ces objets, pour découvrir justement l'histoire qui est cachée en lien avec la mine. Donc en utilisant vraiment les techniques de l'archéologue, hein, donc tout cela se fera à coups de pinceaux, de truelles et autres balayettes, on va dire. Et qu'est-ce que les personnes pourront découvrir ? Ah ben là, c'est un petit peu le secret, hein, j'ai peur de le dévoiler, mais on va dire des pôles d'activité qui pouvaient être en lien avec la mine, le traitement du minerai, sa recherche, mais également l'habitat, celle qui pouvait se présenter au XVIIIe siècle. Ah oui, en effet. Et cet atelier, hein, il est ouvert à qui ? Il est destiné à quel type de personnes ? On va dire plutôt jeune public, hein. C'est vrai qu'il s'adapte bien pour des enfants entre 8 et 15 ans. L'idée, c'est d'être, on va dire, autonome, hein, de savoir se débrouiller, un petit peu dégourdi de ses doigts, mais ça reste quand même quelque chose de ludique, hein, et ouvert au plus grand nombre, hein, avec une tranche d'âge finalement relativement large. Et comme vous avez dit aussi, donc c'est aussi un atelier avec des places limitées. Quel est le nombre limité de places ? Ben voilà, nous, on va dire, on pourra accueillir, je pense, une petite vingtaine d'enfants. Ce sera le maximum, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu personnalisé, où ben, on pourra apporter les conseils, guider dans les gestes, vraiment pour que ce soit une découverte enrichissante pour chacun. C'est 20 enfants par atelier, c'est ça ? Voilà, ben, par atelier, en fait, on aura un seul atelier, hein, qui sera organisé ce samedi à partir de 14h. Ah donc, d'accord, et les deux autres jours, donc le 15 et le 17, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors là, il n'y aura pas d'atelier de proposer, mais les hautes mines proposeront, comme à leur habitude, hein, comme un petit peu toute l'année, une découverte du site minier et bah, de la partie muséographique. En effet, et l'atelier, si j'ai bien compris, il est gratuit, il faut de préférence réserver, c'est ça ? Voilà, l'idéal, c'est de réserver, l'idéal donc par téléphone, directement à la maison des Hautes-Mines. Donc, je peux laisser peut-être le numéro de téléphone maintenant. Avec plaisir. Mais donc le 03 29 25 03 33. Donc, ça, c'est pour l'atelier. Et comme vous avez dit, hein, il y a quand même, malgré tout, pour les trois journées, donc le 15, le 16 et le 17, il y a toujours des visites des Hautes-Mines. J'imagine que, contrairement aux ateliers, ce n'est peut-être pas gratuit. Là, les visites, non, ne seront pas gratuites. Hein, les visites seront payantes, effectivement. Là, vraiment, on se concentre sur la gratuité pour le jeune public et cet atelier. Atelier qui comprendra également donc une visite du musée, hein, et pour découvrir le mobilier archéologique, hein, les collections nouvellement revenues, hein, après leur étude par les archéologues, nouvellement revenues dans les murs du musée des Hautes-Mines depuis cette année. En effet, donc c'est j'imagine tout ce qu'il y avait à savoir. Y a-t-il peut-être une ou deux informations qui m'ont échappé ? Écoutez, peut-être au niveau de la durée de l'atelier, hein, ah, à oui. savoir. Oui, donc là, on prévoit un atelier qui va se dérouler sur 2h30, hein, environ. Donc quelque chose d'assez dense, hein, d'assez intense. Et puis, bah, le petit conseil qu'on pourrait donner aux gens qui viendraient, donc après avoir réservé, c'est vraiment, mais je pense qu'on leur précisera, de s'habiller un petit peu en fonction des conditions climatiques du jour, hein, puisque comme les vrais archéologues, hein, nous serons soumis aux aléas du temps, mais je crois qu'on nous annonce un week-end plutôt ensoleillé, donc. Pas avoir de soucis particuliers. Eh bien, je l'espère pour vous, Sébastien. J'espère que tout se passerait bien et que les enfants viendront nombreux à cet événement pour découvrir l'archéologie, surtout dans, dans l'aspect du site de fouille. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein, et pour les auditeurs qui veulent peut-être réserver ou avoir plus d'informations, ça se passe par le 03 29 25 03 33. Comme ça, on l'a rappelé aux auditeurs. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir. Au revoir. On s'éloigne, mais pas de beaucoup, qu'on se dirige vers Cornimont à l'ECSP, donc l'Espace culturel et social de la Pranzière, qui le 16 juin organise dans le cadre du Festival des Arts Mélangés une expo-conférence sur des récits de voyage intitulée Liens, et c'est animé par Vanina Krek, qui est artiste anthropologue. Donc l'exposition a lieu de 10h à 18h à l'Espace culturel et social de la Pranzière à Cornimont, et la conférence et masterclass, et même l'initiation à l'art sacré se fait à 15h, toujours au même endroit. On se dirige cette fois vers Taon qui organise le dimanche 17 une fête des parcs. Donc de 11h à 18h au parc de la Rotonde, il y aura des jeux, un pique-nique zéro déchet avec un marché artisanal avec plus de 30 artisans, des concerts de variété française et internationale, de la guinguette en bord de canal et un parquet même pour ceux qui veulent danser. Il y aura même diverses animations comme des balades en calèche, on pourra voir des poneys, il y aura des véhicules anciens et des vélos électriques et aussi du modélisme maritime vu qu'on sera en bord d'eau. Et on aura aussi l'occasion de voir une ferme pédagogique avec des animaux de la ferme bien entendu et un atelier de fabrication de savon. À propos environnement, il y aura le samedi 16 toute la journée à Bar-le-Duc, eh bien une journée pour protester contre le projet Cigéo à Bure, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas. Donc il y aura la possibilité de faire du covoiturage pour ceux qui ont peur de faire la route jusqu'au bout ou juste par économie de carburant et pour l'environnement. Donc le covoiturage se fera depuis le parking du centre des congrès à Épinal à 8h. Et une fois arrivé à Bar-le-Duc, le matin il y aura plutôt des infos sur, eh bien, sur le projet Cigéo. Pour en savoir à nouveau plus, sinon je vous renvoie à l'émission que j'ai fait avec Jean-Luc Tonnerieux un lundi, attendez que je cherche, le 4 juin plus précisément, et l'après-midi on nous transmettra des moyens d'agir. Et sinon je vous suggère d'aller sur le site vmc.camp ou sur le site de Vosges Nature Environnement vne88.fr pour avoir plus d'informations. On va continuer dans la culture, vu qu'à Vanier, le samedi 16, a lieu une journée culture urbaine avec l'association MC Connexion. Et pour en savoir plus, j'ai eu Chloé, secrétaire de l'association, en phoneur. On va parler cette fois de culture et même de culture urbaine avec l'association MC Connexion, je crois que ça se prononce comme ça, qui organise le samedi 16 juin à Vanier, à la médiathèque, plus précisément une journée culture urbaine. Et pour cela, j'ai Chloé, secrétaire de l'association, au téléphone. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer en quoi va consister cette journée culture urbaine ? Alors la journée de la culture urbaine, en fait, ça va être donc ça va se dérouler surtout sur l'après-midi où il y aura deux associations, donc il y aura MC Connexion, la nôtre, et la DMA qui fera surtout la danse. Et donc ce sera pour les adultes et pour les enfants. Il y aura de la danse, du graffiti, de l'initiation à la jonglerie, du rap bien sûr, parce que c'est surtout ça l'association, et donc plus précisément pour la médiathèque, il y aura un résultat d'un concours de sac qui s'est passé au début du mois. Un concours de quoi ? De sac. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, on a demandé donc à nos usagers à la médiathèque de faire des sacs pour les livres, donc sans thème imposé, donc toujours en de façon artistique, donc en plastique, en tissu, tout ça. Et les personnes nous ont apporté les sacs et du coup il y a des votes qui se déroulent en ce moment même à la médiathèque et l'annonce du gagnant se fera samedi après-midi. Ah, et celui qui aura remporté le premier prix, donc j'imagine pour le plus beau sac, qu'est-ce qu'il gagne ? Alors il gagne un lot, je peux pas dire ce que c'est. C'est un peu la surprise de la médiathèque, quoi. Oui. Mais toujours en rapport avec la culture. Oui, toujours avec la culture et la culture urbaine, hein. Je pense que les auditeurs se souviennent de la fois où MC Connection est venu, je crois que c'était début mars, pour présenter le lancement de leur association pour leur journée rap ou leur soirée rap le 10 mars, je crois, au Guéluron. Mmh. Ça s'était bien passé, je crois. Très bien. Il y a eu du monde, bonne ambiance, très bien. Et ça y est, vous remettez le couvert et cette journée culture urbaine, elle commence déjà à quelle heure ? Alors, le début, c'est 10h en fait, dans le sens où Benoît qui fait la fresque va commencer, donc il va faire les premiers traits. Et à 14h, les enfants et aussi les adultes pourront participer à la fresque sous forme de pochoirs, en fait. On a préparé des pochoirs avec des mots en relation avec la médiathèque, donc aussi bien littérature, roman, DVD, voilà, qui pourront inscrire eux-mêmes où ils veulent sur la fresque. Et du coup, la fresque, après, sera dans la médiathèque et tout le monde y aura un peu participé. C'est le but, quoi, comme c'est très... que c'est un lieu de rencontre, voilà, tout le monde est là pour participer. En effet, tout le monde est là pour participer, et comme tu l'as dit, Chloé, hein, y a quand même l'association MC Connection et la DMA pour faire de la danse, et MC Connection va faire, mis à part la fresque, elle va faire quoi d'autre tout au long de la journée ? Donc, il y aura l'initiation au matériel de jonglage, donc il y aura du diabolo, des balles, des anneaux de jonglage, du bâton du diable et du kendama. C'est un peu un bilboquet, mais plus dans l'art, quoi, dans la danse, voilà. Donc il y aura aussi donc le rap avec Miyagi, John et Louis. Oui. Et Seb à nouveau, qui n'a jamais fait avec nous encore, mais que sera sa première avec nous. Eh bien, on aura hâte de le rencontrer à cette première journée, ou à cette journée, pardon, de la culture urbaine, toujours à la médiathèque de Vanier. Et c'est vrai que, pour savoir un petit peu, donc ça va se passer toute la journée, si j'ai bien compris, vu que ça commence à 10h. Voilà. Ça se finit vers quelle heure ? Alors, on a prévu vers 5h moins le quart. Bon, après, voilà, c'est pas forcément 5h moins le quart, ce sera peut-être plus 5h, un petit apéritif avec pour terminer la démonstration de jonglerie. Donc après l'apéritif, bon, c'est pas jusqu'à quand ça va se finir, hein. C'est un peu ce sera tant qu'il y aura du monde, quoi. En effet. Et j'imagine que comme c'est à la médiathèque, il n'y a pas de prix d'entrée à payer. Non, c'est gratuit, totalement gratuit. Et comme ça va quand même de 10h à 17h. Alors, il y a un apéro à 17h. Est-ce qu'il y a restauration sur place entre midi et 2 ? Non. Par contre, le midi et 2, il n'y aura rien pour manger. Par contre, voilà, si les personnes veulent prendre du sandwich, voilà, pourront manger au kiosque ou sur les tables de pique-nique. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y aura quand même l'occasion de manger dans les parages si vous emmenez vos propres repas pour la journée de la culture urbaine à la médiathèque de Vanier. Écoute, Chloé, merci beaucoup. Je sais pas si tu as une dernière info à transmettre que j'ai peut-être oublié de te demander. Non, à part que tout le monde est le bienvenu, dans la joie et la bonne humeur. En effet, venez nombreux, c'est sur ces belles paroles qu'on s'arrête. Écoute, Chloé, merci beaucoup de ton intervention et bon courage pour cette journée de la culture urbaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va clore la rubrique culture du week-end avec les sentiers de la photo à Audutau. Donc de juin à novembre, le Audutau, village le plus haut des Vosges, accueille pour la troisième année consécutive une exposition photographique à ciel ouvert. Tout au long d'un sentier de 3 km, ce sont plus de 130 photographies grand format qui sont proposées aux visiteurs. C'est un détour d'un chemin ou au creux de l'ombre des hauts sapins que l'on découvrira les œuvres exposées. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que le samedi et dimanche, il y aura des journées d'inauguration. Donc le samedi à 10h, il y aura une conférence de presse en présence de l'ensemble des photographes. Puis à 11h15, ouverture et inauguration au ciel de l'édition 2018 des Sentiers de la Photo devant la Grange des Jardins de Bernadette, en présence des personnalités apportant leur soutien à cette édition. C'est un parcours libre des sentiers et qui est ouvert au public. À 13h30, il y a un repas rassemblant les membres de l'association et les photographes. Puis à 20h, une conférence de Mathieu Ricard sur l'altruisme, la réponse aux défis de notre temps. À 22h, ce sera la projection du film de Caroline Riegel, Les Semeuses de joie. Encore une fois dans les jardins de Bernadette au cinéma plein air. Et dimanche, les sentiers seront ouverts au public en permanence jusqu'aux premières neiges, jusqu'au mois de novembre. Ce sera ouvert de 15h à 17h, dimanche de 15h à 17h. Il y aura une rencontre du public avec les photographes sur le site des sentiers. Il y a bien entendu la possibilité de restauration sur le site, restauration rapide, les 16 et 17 juin uniquement. Et le thème de cette année pour les sentiers de la photo, c'est le Tibet. On passe à la rubrique concert maintenant, et comme la fête de la musique approche, il n'y en a pas beaucoup dans le coin ce week-end, du moins ceux que j'ai trouvés. Donc j'ai surtout trouvé les informations pour le bar L'Artiste à Golbey. Donc ce vendredi à 21h30 sur la petite scène, il y aura Gaëtan Da Silva en concert et l'entrée sera gratuite. Puis le samedi 16 à 21h, ce sera Karaoke Rock avec Marc Nico. Encore une fois, l'entrée gratuite et ça commence à 21h. Dimanche 17 à 18h, ce sera plutôt une ambiance lounge, donc musique des années 80, disco, funk, house, je pense que vous voyez un petit peu le délire, et l'entrée est encore une fois gratuite. Et ça, c'est pour le week-end. Dernier concert du week-end à annoncer, c'est le studio Microclimat qui fait un concert, cette fois de musique, de piano, un peu jazzy. Mais pour ça, j'ai eu Dominique Marotel en interview. Et après cette interview, il y aura de la musique de l'artiste que vous écouterez au studio Microclimat. On retrouve à nouveau Dominique Marotel du studio Microclimat, encore une fois pour un concert. Donc bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Alors, quel est le concert que vous nous avez concocté pour ce week-end ? Alors, le nouveau concert au studio, on partira vers la Grèce, puisque on continue un petit peu notre tour du monde. Le mois dernier, on était en Inde, au tout début du mois de juin, là on était en Inde. Précédemment, on était à Cuba avec de la salsa, et puis auparavant, il y avait eu un petit stop, une petite escale au Brésil avec de la bossa nova. Donc cette fois-ci, on a un jeune pianiste plein de talent qui s'appelle Antoine Karakotas, donc il sera là avec son trio. Et il est d'origine grecque, et donc il revisite un peu la musique traditionnelle de son pays au travers de sa musique jazz. Mais ça va pas du tout être de la musique traditionnelle comme on peut le croire, ça va pas être du Sirtaki ou Zorba le grec ou ces choses-là, ça sera quand même très très jazz avec une touche grecque, je dirais traditionnelle, donc un petit peu au confluent de, comment dire, des influences du jazz new-yorkais, du jazz moderne de New York, de la musique du Moyen-Orient, et puis donc, voilà ce que je vous disais, de la musique traditionnelle grecque. Alors ce qu'il faut noter, c'est quand même que son premier album est sorti il n'y a pas longtemps, il s'appelle Trails, qui veut dire les pistes en anglais, et qu'il a quand même été sélectionné par FIP pour être l'album jazz de la semaine assez récemment, donc ce qui est assez prometteur. Donc voilà, il sera accompagné de Cybele Castoriadis, qui est une jeune chanteuse qui va intervenir sur certains morceaux, tous, puisque elle intervient environ sur un morceau sur deux ou trois, et donc son trio est composé d'un batteur qui s'appelle je cherche le nom parce que je l'ai oublié, ça va me revenir, donc oui, alors à la batterie on a Simon Vernier, oui, et puis Anders Ulrich à la contrebasse, voilà, donc trois jeunes musiciens plus une chanteuse pour ce concert jazz qui aura lieu samedi, donc demain, c'est ça ? Oui. Samedi 16, voilà, ouverture des portes à 19h, le concert commence une heure et quart plus tard, et puis, écoutez, pour les gens qui connaissent, on peut boire un verre, manger une petite assiette, donc il y a une restauration possible sur place, et puis pour ceux qui connaissent pas, je les engage à venir nous rendre visite, voilà, ça sera un moment tout à fait superbe. En effet, et dites-moi, il y a deux semaines, quand c'était le concert indien, il y avait un prix d'entrée à payer. Est-ce que c'est à nouveau le cas ? Alors, c'est toujours le même prix. Nous, on est resté sur un prix assez modique de 8 euros, de manière à ce que quelqu'un qui a juste un billet de 10 euros sur lui puisse se payer le concert et puis un petit verre et passer une très bonne soirée. Bah écoutez, c'est le plus important. Et donc, vous nous rappelez à nouveau le nom de ce pianiste grec qui, vous avez dit, fait du piano jazz et un petit peu d'inspiration orientale. C'est assez vaste, surtout que son album a été nommé meilleur album jazz de la semaine, c'est ça ? Voilà, pour la station FIP, hein, France Inter Paris. Donc, il est assez pointu en jazz d'habitude. Donc, quand même, s'ils l'ont sélectionné, c'est que vraiment, ça vaut le détour. Alors, il s'appelle Antoine Peracostas. Et c'est son trio, et il sera donc accompagné de la chanteuse Cybele Castoriadis. Il paraît qu'elle est si belle. Eh bien, ce sera aux auditeurs de trancher quand ils se rendront donc chez vous le samedi 16 à 19h au studio Microclimat à Épinal. Et d'ailleurs, juste rapidement, les autres concerts, il y a deux semaines pour le concert de musique indienne, ça s'était bien passé. Pas très bien passé, vraiment des musiciens hors pair, tout le monde est... tout le monde est monté très très haut, enfin vraiment c'est une musique qui est très très prenante, et regardez également le public, parce que voilà, je m'amuse à regarder évidemment les musiciens mais aussi beaucoup le public, et je pense que tout le monde était parti, hein, dans cette musique qui était vraiment vraiment superbe, et je pense qu'on va renouveler ce genre d'expérience dans les mois, dans la saison qui vient. Voilà. Et puis pour parler de la saison qui vient justement, écoutez, le dernier concert de cette saison-ci avant l'été, puisqu'on fermera en juillet et août, donc aura lieu dimanche prochain, le 24 juin. Ce sera un concert un peu particulier, surtout en termes d'horaire, puisque c'est un dimanche. On fait ça en mode brunch, donc on ouvrira les portes à 13h, le concert commencera à 14h. Donc les gens pourront soit prendre leur petit déjeuner ici, pour ceux qui se lèvent très tard, soit prendre une petite collation de midi avec nous, et donc on accueillera Matteo Pastorino, donc vous voyez, on partira de la Grèce et on revient tout doucement vers les Vosges, puisqu'on fera un stop en Italie, il est d'origine italienne, c'est un clarinettiste hors pair également, qui sera là avec un quatuor donc du jazz italien à la clarinette. Voilà, donc je le rappelle encore une fois, 8 euros d'entrée pour un concert de musique, mais plutôt jazz cette fois, contrairement à la musique indienne. Et pour ceux d'ailleurs, je le rappellerai de toute façon, pour ceux qui ont loupé le coche, j'ai oublié comment il s'appelle, je crois, Gioietta et Debogioti Sagnal. Voilà, donc pour ceux qui ont loupé le coche, ils seront le samedi 30 à Plombières, mais de toute façon, je le rappellerai. Ce sera l'occasion à nouveau de découvrir leur univers. Et puis, Dominique, on se retrouvera à nouveau la semaine prochaine pour annoncer plus en détail votre brunch de fin de saison. D'accord. Je crois que d'ailleurs, il passe également à Taon, si c'est pas déjà fait, mais en tout cas, j'ai vu quelque part qu'il passait à Taon. Donc, ceux qui les ont loupés chez nous, écoutez, essayez de les voir parce que franchement, ça vaut le déplacement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Dominique. Bon courage et bon concert. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. À bientôt, Lou. À bientôt, Dominique. Au revoir. Continuer et cette fois on change de rubrique, enfin on passe au développement personnel. Donc samedi 16 juin à 8h30, ce sera le premier atelier coaching Décider sa vie par Jérôme Sass. SASZAK, qui œuvre dans le développement personnel. Donc l'inscription se fait sur son site www.decide-sa-vie.com, rubrique boutique. Mais pour savoir pourquoi ce serait peut-être une bonne chose de vous inscrire, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc ce sera le 16 juin à 8h30 au 202 rue de la Gare à Sainte-Marguerite. Et c'est un événement unique d'après Jérôme SASZAK. Ce sera axé sur le fait de trouver sa vision, son pourquoi, son but ultime, son Everest, comprendre ses croyances limitantes et apprendre à s'appuyer sur de nouvelles croyances dynamisantes, développer sa confiance en soi et poser des décisions, mettre en place son plan d'action, passer à l'action et célébrer ses victoires. Et toujours dans le bien-être, OJ Soins Énergétiques organise un stage de développement personnel, vivre et être mieux. Ça se passe du 16 au 17 juin. Donc le 16 juin, ça commence à 9h et le 17 juin, ça se termine à 17h et c'est à Bionville. C'est 2 jours pour apprendre à vivre et être mieux. Venez consacrer 2 jours en pleine nature afin de vous libérer des lourdeurs de votre vie, vous relaxer et avancer vers votre paix intérieure. Le stage sera sous le signe de l'amour, du partage, de la bienveillance et de la bonne humeur. C'est un stage convivial et personnalisé. Au programme, se libérer du passé, lâcher prise, de la relaxation, développer sa confiance en soi, se comprendre, apprendre à vivre le moment présent, faire une marche en forêt au lac de Mai, M-A-I-X, découverte du pouvoir guérisseur des arbres, trouver son chemin, et trouver sa paix intérieure. Donc pour ceux que ça intéresse, ça se passe au chalet à Bionville. C'est à proximité du lac de la Mai. Situé dans les Vosges, entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, dans un cadre calme, propice à la détente et à l'apaisement. Et le chalet est équipé d'un jacuzzi privé, vue sur la montagne, 2 salles de bain, 2 WC, cuisine équipée et balcon. Ça se déroule donc de 9h à 17h. Le stage se déroule sur 2 jours où vous pourrez faire des exercices pour vous faire avancer, des balades en nature et pour améliorer votre compréhension de vous-même. Les repas qui sont pris sont collectifs et il y aura une soirée découverte de l'énergétique qui vous sera proposée le samedi soir, mais elle est facultative si vous préférez vous prélasser dans le spa. Le tarif est de 250 €, mais ça comprend l'hébergement, la pension complète, la taxe de séjour et l'accès au spa, et bien entendu le prix du stage. Donc les inscriptions se font au 06 09 50 20 23, il y a une capacité d'accueil de 4 à 8 personnes, et le prérequis c'est d'avoir 18 ans minimum. Et ça y est, le week-end s'achève déjà, donc on passe aux événements de la semaine. Donc avant tout, lundi 18 juin à 14h30, la Parenté Boutique fait une méditation de sonothérapie qui est animée par Sylvie Alvaro, donc être soi-même, qui est maître et praticienne de Reiki Sonothérapie. Ce sera l'occasion de faire une séance de méditation et de présenter la découverte de la sonothérapie. C'est gratuit pour tout public et sur inscription. Mercredi 20 juin, je l'avais déjà annoncé, il y aura la journée mondiale du réfugié organisée entre autres par l'association Est Solidarité aux étrangers. Et pour nous rappeler un petit peu comment ça va se passer, j'ai eu Yazid de l'association en interview. Et après l'interview, vous aurez un autre morceau de musique, La Fiesta de NZT, qui sera au programme au concert. Vous souvenez peut-être de l'émission que j'ai fait le 7 juin avec l'association Est Solidarité aux étrangers qui était venue annoncer un événement imminent. Et en effet, pour être imminent, il est imminent. Il arrive, ça y est, jeudi 20 juin, donc déjà la semaine prochaine, la journée mondiale du réfugié à Épinal. Et pour avoir à nouveau des dernières petites infos, pardon, j'ai Yazid au téléphone. Bonjour Yazid. Alors, tu es là un petit peu pour rappeler aux auditeurs ce qui va se passer, comment, quand, pourquoi. Tout à fait. Donc, le mercredi, donc le 20 juin, donc il y aura, comme on le sait traditionnellement chaque année, la Journée mondiale des réfugiés. Et donc, l'association Est Solidarité, au final, organise toujours, on va dire, une manifestation, un événement différent. Et donc là, nous avons l'honneur et la chance d'être accueillis par la bibliothèque multimédia intercommunale du Pinal, donc la BMI, qui nous accueille dans ses locaux pour la deuxième fois. Et donc, nous allons marquer le coup mercredi à partir de midi, donc jusqu'à environ 18h. Oui. Alors, donc sur le coup, donc voilà, pour vous donner un peu les grandes lignes, donc il s'agit de commencer le moment où cet après-midi, donc pour marquer la journée, par un repas partagé. Donc il s'agira de proposer à toute personne qui le désire de nous rejoindre sur le parvis. Donc il y aura des tables aménagées, donc un peu à la façon auberge espagnole, chacun ramène un truc à manger ou à boire. Et donc on a décidé que le repas marquerait le démarrage. Et donc ce repas sera certainement animé par des échanges, par notamment des chants. Donc il y aura des personnes à la table qui ont envie de proposer des chants, donc venus d'ici et d'ailleurs. Et donc nous aurons la chance d'avoir autour de cette table et, un public très, très varié, très divers, aussi bien des Vosges, des Pinal que d'ailleurs. Ensuite, une fois que le repas est réalisé pour environ 13h30-14h, donc toujours sur le parvis, il y aura un début d'animation, donc aussi bien par exemple des étudiants qui nous réaliseront une fresque. Donc ce sont les étudiants de l'École des Arts de Pinal qui traditionnellement participent maintenant depuis plusieurs années à nos actions. Et donc toujours sous une forme artistique, ils ont choisi cette fois de réaliser une fresque pour aussi participer, sensibiliser la population à la question du réfugié. À côté de ça, il y aura également des cartes réalisées toujours par des étudiants qui seront certainement distribuées gratuitement au public. Toujours sur le parvis, donc il y aura des animations avec notamment un clown, il y aura une personne qui fera ce qu'on appelle de l'animation de rue. Donc voilà, des choses très diverses sur le parvis, et bien sûr, je vous laisse venir découvrir cette place. Ensuite, à l'intérieur, il y aura donc du côté de l'auditorium un écran qui tournera en boucle, où il y aura ce que réalise l'association durant l'année, les années précédentes, et également Amnesty International qui est associé toujours à cette journée et qui aura des choses très variées, très, très alternées, aussi bien avec LGT qu'avec des artistes qui suivront aussi bien des choses, je dirais, très humaines, très, voilà, très, très portées sur la question humaine, sur ce qui se passe malheureusement encore toujours et encore toujours aujourd'hui autour de nous, et des morceaux plus festifs parce que, comme il le disait très bien la fois à l'émission radio LGT, ben, ce sera l'occasion de redonner le sourire à des personnes qui l'ont peut-être plus ou peu aujourd'hui parce qu'ils sont dans des situations très complexes, administratives, entre autres, humaines, sociales, économiques. Et donc, voilà, nous allons encore une fois, nous, laisser la parole à toutes ces personnes qui s'associeront à ce mouvement pour pouvoir tout simplement faire un rappel et sensibiliser le public et la population qui sera présente. Via votre support radio, de ne pas oublier de se mobiliser pour cette population. Donc, bien sûr, nous invitons tout le monde cet après-midi-là à nous rejoindre. Ça peut être au moment du repas, ça peut être pendant l'après-midi, ça peut être au temps fort. Donc, voilà, c'est gratuit. Et j'en profite parce que la dernière fois, nous n'avions pas acté la chose quand on avait été invité à votre radio. Donc, on a une association qui toute jeune, à qui j'ai envie de tirer un coup de chapeau, qui s'appelle Diversité, qui a déposé ses statuts récemment et qui vont s'associer en nous donnant un coup de main ce jour-là. Et on a décidé, nous aussi, à notre manière, de leur donner un coup de pouce pour un démarrage, parce qu'ils sont aussi dans cet état d'esprit de, voilà, d'ouverture, de partage et de solidarité. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Yazid pour toutes ces informations. J'ai même pas de questions à poser. Tu as vraiment tout dit. Et comme tu as parlé du concert, hein, on va peut-être s'écouter un morceau de NZT pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Il s'agit du morceau Fiesta. Et encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Pas de rien, c'est un plaisir. Merci à vous. Chocolat chaud. Les roses en rose, le ciel est bleu, ma tête aussi, panique pas. Je fais que frappe, sexy comme tout, béni de Dieu, décale-toi. C'est la mer des Margarita. On y va, on va décoller. On va décoller jusqu'à fatiguer. On va s'éclater. Et le 20 juin, comme je le disais, ça commence en fanfare avec un concert, puisque le lendemain, ce sera la fête de la musique. Donc, ça commence hein, à se mettre dans l'ambiance. Donc, avant toute chose, j'avais déjà fait la programmation de l'artiste à Golbey pour le week-end, mais il continue encore la semaine. Donc mercredi 20 juin à 18h, il y aura à nouveau une ambiance bar lounge comme dimanche. Hein. Et l'entrée est gratuite, suivie de jeudi à 20h, une soirée karaoké, plutôt ambiance familiale et festive, l'entrée est à nouveau gratuite. Et vendredi 22 à 18h, donc dans une semaine exactement, il y aura une petite, enfin au niveau de la petite scène, une ambiance bar lounge, choisissez votre musique. On va passer à la Souris Verte qui fait un concert aussi, donc le mercredi 20 à 20h30. C'est l'entrée libre, donc c'est une soirée plutôt rock. Donc il y aura Julie, Jean-Paul Groove, Raymond Data et KPG. Donc pour cette fête de la musique, comme chaque année, la Souris Verte mettra rue des États-Unis pardon, en effervescence pour la fête de la musique, mais a choisi cette année de faire un cadeau à son public pour cette dernière date avant l'été, accueillir une invitée de marque, Julie. Julie, c'est une voix chaude et puissante, hors du commun, qui se montre tendre ou féroce. Sa voix et son jeu de scène ne sont pas sans rappeler Nina Hagen ou encore Janis Joplin. Julie, sur scène, c'est de la grande tendresse mélangée à de la dynamite. Au fil des titres, Julie est bouleversante. C'est du rock, du bon rock. L'artiste strasbourgeoise nous rend visite après une résidence à la Souris Verte vers fin 2016, pardon, point de départ pour la création de son spectacle qui lui a permis d'écumer de nombreuses scènes à travers toute la France. Donc je rappelle à nouveau, mercredi 20 à 20h30, à la Souris Verte, une soirée rock gratuite. Et nous avons eu des informations du snack bar Le Potter Laca à Saint-Amé qui fait aussi la fête de la musique. Jeudi 21 à 20h, ce sera une soirée karaoké et moules frites avec à l'animation Pâte Anime. Donc il y aura des moules frites à volonté ou des tartes flambées pour ceux qui ne veulent pas de moules. Le prix est de 15€ par personne. Le nombre de places est limité par contre, réservé au 03 29 22 21 54. Et qui dit fête de la musique et qui dit concert. Et le concert que j'ai choisi de mettre en avant, ce sera le jeudi 21 juin à l'Estaminet à Vanier à partir de 19h. Il y aura bien entendu buvette et restauration, mais quand on parle de musique, on parle de groupe. Et donc, dans l'ordre, les groupes qui vont passer. Donc, il y aura la chorale de l'école des personnages, suivi de l'union pardon, musicale Voinrode. Ensuite, ce sera le C'est Parti Band qui fait du jazz, suivi des amis du Burkina qui fait de la percussion, Flying Orchestra qui fait du rock festif des Balkans, Fire Rose qui fait du rock plutôt métal, et enfin John Universe qui fait, mais ça vous le savez, de la pop wave électro. Et on va se passer tout de suite un morceau de John Universe, Stranger Universe, et on se retrouve juste après pour la conclusion. c'était le florilège hein, de tous les événements qu'il y a à venir pour le week-end et pour la semaine à venir. Hein. J'espère que vous aurez trouvé ce qui vous intéresse, ce qui saura vous occuper ce week-end. Et avant qu'on se dise au revoir, ça va déjà être l'heure de faire le programme de la soirée. Donc à 19h, hein, on écoutera l'Action Slam. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, n'hésitez pas à voter sur la page Facebook pour vos slams préférés. On tient compte de vos remarques. Hein. Après tout, il y a un prix du public qui pourra être attribué à la fin du temps de vote. Mais pour l'instant, hein, les votes sont ouverts pour vos slams préférés. Puis à partir de 21h et jusqu'à minuit, c'est Vivre et créer la montagne avec Vincent. Et la prochaine émission, c'est demain matin, 7h-8h, comme d'habitude, la rediffusion de L'Heure des Loups. Et d'ailleurs, pour le billet de sortie, petite nouveauté, elle sera aussi rediffusée samedi à 19h, mais ça, on va en reparler tout de suite. Puis samedi, 8h30, ce sera Les Vosges samedi avec Hélène de RCN. Puis à partir de 10h, ce sera Musée de Partie avec Cyril Renaud. Comme je le disais, demain soir à 19h, donc samedi 19h, rediffusion de ce billet de sortie. Puis de 21h à 22h, ce sera Rock à la Casbah. Puis de minuit à 1h30, donc ce sera plutôt dimanche matin, la rediffusion de Memento Mori de jeudi. Et pour dimanche, ce sera la rediffusion de Musette Party avec Cyril Renaud à 7h. Puis à 10h, ce sera la rediffusion de Salut les 60. Enfin, à 16h, ce sera J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Les années bonheur, les années tendresse à 18h avec Gilou. Puis 22h, de 22h à 23h, ce sera Jazz Time de Radio Déclic avec 1h30 de jazz. Et on se retrouvera lundi matin de bonne humeur avec les coups de cœur d'Aurélien à 8h. Et pour l'émission hein, que je ferai lundi soir, je vais accueillir la médiathèque de Remiremont pour faire le programme de l'été. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura convenu. Hein. De toute façon, l'émission sera, comme je l'ai dit, rediffusée samedi 7h-8h, puis samedi 19h-20h. Et elle sera disponible en podcast sur la page Facebook de la radio ou sur notre site internet radioguemozo.eu, rubrique L'Heure des Loups, aisément trouvable, aisément téléchargeable, sans aucun problème. Et toujours, pour ceux qui ne peuvent pas forcément nous suivre sur la bande FM, hein, n'hésitez pas à nous écouter hein, via le web et même via l'application Radio Line, hein, y a pas de problème, elle est gratuite et compatible avec toutes sortes de téléphones. Enfin bref, je m'éternise pas plus longtemps, je vous retiens pas plus longtemps vu que c'est maintenant que le week-end commence. Alors merci beaucoup de votre attention et écoutez, on se retrouve lundi de bonne humeur. Bonne soirée et bon week-end à tous.